père de terre sans père, qui était en Espagne pour passer ses vacances. Comment faire alors sans chemin de fer quand on est un petit ver qui n'a pas la chance? À cette heure étrange où il n'y a plus de taxi, mais dans les restaurants, sa fiancée se saoule. Si tu veux un verre, laisse ta vertu ici. La fiancée du verre n'est pas vraiment une poule, mais comme dit son père, faut bien rigoler. Pourtant le petit verre était sympathique, tout de verre vêtu depuis des années. Il cherchait à vivre d'une manière pratique, mais ici en Espagne le verre est tout perdu, et sa petite amie se saoule trop souvent. Peu sévère, le verre est un trou du cul, sa fiancée se saoule dans les restaurants. Ah, tu veux le verre vers la mer du Nord, il est retourné bosser dans les mines. Le verre s'envoie en l'air, échange de décor. Le verre à l'air avare va partir en Chine, lorsqu'un éléphant qui passait par là lui a marché dessus sans faire attention. Lorsqu'un éléphant qui passait par là lui a marché dessus sans faire attention. Le verre est mort tout plat, le verre est mort tout plat, le verre est mort, la mère satisfaction. Le verre est mort tout plat, le verre est mort tout plat, le verre est mort, la mère satisfaction. Rap la bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla